moi c'est Ludovic, je représente Habitons Groupe E13. Donc en gros, Habitons Groupe E13, ça représente en fait le mouvement de l'habitat participatif sur les Bouches-du-Rhône. Et donc ça s'inscrit dans une structure régionale qui est la coordination régionale de l'habitat participatif. Le but du jeu de cette structure, c'est pas un groupe projet qui monte un immeuble, mais c'est du coup d'être voilà, une porte d'entrée pour tous les gens qui s'intéressent à la thématique. En deux mots, l'habitat participatif, du coup, ce sont des regroupements de personnes qui ont la volonté de participer à l'élaboration, la conception de leur logement et la gestion du logement une fois qu'il est construit. Et qui, du coup, sont dans une logique aussi de partager une partie des locaux et des éléments de leur habitation. En gros, aujourd'hui, on est à une crise du logement, alors évidemment, en quantité, mais aussi en qualité. Et voilà, on parlait de la crise sociétale où on est, entre individualisme et consumérisme. Face à ce constat, du coup, il y a des gens qui cherchent effectivement à stabiliser la thématique de l'habitat, qui est un lieu, du coup, qui est un peu idéal pour l'action citoyenne. Et en gros, l'idée, c'est de passer de l'habitat social à l'habitat sociétal, et donc on se sent assez en phase avec les enjeux de la transition. Donc c'est très développé en Europe. En France, on est un peu en retard. Malgré ça, il y a quand même 350 projets en cours. Et c'est déjà fini, mais du coup, l'idée, principalement, c'est qu'on entend effectivement jouer le jeu du réseau le plus possible. Et que nous, nos besoins, c'est principalement effectivement de la visibilité sur le mouvement. Aujourd'hui, les projets sont longs à sortir, mais alors, on a besoin de gens pour des projets, pour donner de la visibilité et même pour organiser les rencontres nationales qui auront lieu à Marseille en fin d'année 2015.